Chapitre 9e. Pendant le trajet du palais de Wellesley à la tour de Londres, où Sir Paulette, le nouveau chancelier d'Angleterre, conduisait son prédécesseur, son ennemi, son prisonnier, un messager du roi rejoignit l'escorte au galop. Cet envoyé remit à Sir Paulette un ordre dont les caractères étaient encore tout humides, et d'après lequel, au lieu de cette prison d'État, Sa Majesté accordait spontanément au ministre disgracié son beau château d'Achères pour lieu de détention, en attendant le procès qu'allait instruire le Parlement. Cette faveur du roi, si inattendue, si promptement accordée, causa un vif dépit au nouveau ministre, mais la désobéissance n'était pas possible, et il lui fallut diriger immédiatement son prisonnier vers sa nouvelle destination. Cette circonstance en rassurait complètement le cardinal, lui donna lieu de penser que Sir Paulette avait sans doute exagéré sa disgrâce. Il repassa dans sa mémoire toutes les expressions des lettres portées par son ennemi à la connaissance du roi. Il aurait voulu les racheter chacune d'un verre de son sang, mais enfin, elles ne lui semblaient pas de nature à le perdre tout à fait dans l'esprit de son maître. « Oh, s'il pouvait le voir encore, pensait-il, tout le mal serait bientôt réparé. » Car quel autre pouvait savoir par quels endroits attaquait le cœur du roi, aussi bien que l'homme qui avait été son ministre, son favori, son ami, le compagnon de ses plaisirs, et qui plus est son confesseur. Ce vœu du cardinal ne tarda pas d'être exaucé. À peu de distance d'Achères, l'escorte s'arrêta subitement à la voix d'un second messager du roi. Ce fut à Wellesley lui-même et non plus à Sir Paulette que s'adressa ce nouvel envoyé. Il s'approcha de la portière de la voiture et remit au cardinal une lettre écrite entièrement de la main du roi. Elle était accompagnée de l'anneau d'or orné d'une topaze que Henri portait toujours et qu'il envoyait à son ancien favori en signe d'indulgence et comme pour lui rendre un peu de courage. À la vue de cette lettre autographe et surtout au don de ce sceau royal si bien connu de ses yeux, Wellesley crut ressaisir déjà toute sa faveur. Il haussa les épaules en regardant Sir Paulette, qui, pâle de dépit et de colère, se tenait chapeau bas à côté de l'envoyé du roi, et il lut ce qui suit. Le roi Henri VIII au cardinal Wellesley. Milord cardinal, si notre justice est due à tous nos sujets, notre clémence l'est aussi à celui qui, jusqu'à ce moment où s'élèvent contre lui les plus fortes preuves de trahison, nous avait servi fidèlement. Nous avons vu avec une grande peine que son cœur s'était égaré autant que son esprit, mais nous ne voulons pas limiter en cela et perdre comme lui le souvenir des affections passées. Nous irons donc nous-mêmes entendre les raisons qu'il pourrait avancer pour sa défense, et nous désirons que ses excuses soient assez valables pour nous permettre d'adoucir le jugement qui sera prononcé. Henri. Le messager salua respectueusement le ministre déchu et s'éloigna au galop. Wellesley se contenta de jeter un sourire de dédain sur Paulette, qui, ne sachant quelle contenance tenir, se hâta de donner à l'escorte l'ordre de se remettre en marche. Le soir, Wellesley était à Achères, dans la chambre même qu'il avait toujours occupée au jour de sa prospérité dans cette magnifique résidence. À l'air respectueux des gens qui l'entouraient, et au ton de maître qu'il conservait dans sa disgrâce, nul ne put voir en lui un prisonnier, et le piquet de soldats qui stationnait dans le vestibule de son appartement eût pu passer pour une garde d'honneur. C'était Georges de Bolène, connu pour la haine qu'il portait au cardinal, qui avait été choisi par Paulette pour commander ce poste. Le jeune officier était étendu nonchalamment dans un fauteuil, essuyant la poussière que le vent de la route avait jetée sur la poignée de sa belle épée damasquinée, dont la plaque luisante, pour établir un peu d'ordre dans sa toilette, lui servait de miroir. « Je n'ai pas du tout une figure de geôlier, » dit-il à son second. « N'est-ce pas, lieutenant, que je n'ai point l'air fait pour ce métier de verrou vivant ? Et certes, en toute autre occasion, je ne l'eusse point accepté. Mais le prisonnier que nous gardons vaut bien la peine qu'on fasse quelque chose pour lui. J'aurais même fait plus. Je regrette de n'avoir qu'à garder ce satané cardinal après que d'autres ont eu la gloire de l'abattre. Cette pensée me rendrait misanthrope et me dégoûterait de ce monde. Il n'y a pas moyen de supporter l'existence dans un temps où les luttes sont si tôt terminées, où la haine comme l'amour arrive si vite à la victoire. Heureusement, toute la besogne n'est pas finie. Le chef est à bas, mais ses valets sont encore debout. Il en est un surtout, Arthur Derby, sur qui j'aurai grand plaisir à me dédommager de mon inaction envers le maître. » Pendant ce temps, le cardinal était seul, devant une croisée qui donnait sur la campagne. Le paysage se peuplait à ses yeux de mille délicieux souvenirs laissés là par Catherine Gordon. Or, pendant qu'il s'abandonnait à tout le charme de cette contemplation, un jeune pâtre de la vallée, s'approchait des murs du château, chantant d'une manière insoucieuse, et cueillant çà et là les fleurs qui bordaient son chemin. Lorsqu'il fut arrivé ainsi sous la fenêtre de Wolsey, il ramassa une petite pierre qu'il lança droitement dans la chambre, et il disparut. La pierre était enveloppée d'un billet qui contenait les instructions suivantes. Le lendemain, au point du jour, à 6 heures précises, l'officier des gardes placé à la porte de la chambre du prisonnier serait absent de son poste pour un motif qui serait révélé plus tard. Il fallait que le cardinal profitât de son absence. Quelques bourses d'or et des objets précieux, qui ne pouvaient lui manquer puisqu'il avait été logé dans la pièce même qu'il occupait d'ordinaire à Achères, suffiraient pour séduire le soldat en l'absence de leur chef. Cela fait, le cardinal gagnerait la campagne où une voiture l'attendrait dans un endroit désigné. La lettre n'avait pas besoin d'être signée Arthur Derby pour que Wolsey reconnût à ce trait de fidélité son serviteur le plus fidèle. Mais Wolsey fondait trop d'espérance sur la visite que le roi devait lui faire pour vouloir profiter de ce moyen d'évasion. Le lendemain même, il serait en présence de Henri. Encore 12 heures, et il pourrait lui parler, reconquérir mot à mot son amitié, sa confiance, et il verrait le trône royal se dérider comme s'épure le ciel après une tempête. Qu'était-ce pour un homme tel que lui que la vie sauve dans la disgrâce? Qu'était-ce que la liberté dans la fuite? Ce qu'il lui fallait, c'était son ancienne prospérité, sa grandeur passée, son omnipotence de la veille. C'était le pouvoir, c'était le bonheur d'écraser ses ennemis. Or, quelques heures seulement le séparaient de ce nouveau triomphe, et il les passa avec une impatience pleine de délices, dans ses rêves d'ambition et de vengeance.